semaine c'est pour ton bien. C'est pour qu'il ne recommence pas. J'ai fait du game une dictature. Pour ça qu'on me récompense pas. Si t'es une miche, te viens voir du cas j'en ai. Pas besoin de pilule du lendemain, je te crache dans le lait. Fais-moi à manger, papa est fatigué. J'ai vendu de l'ancien toute la journée. T'es au bord du suicide, si tu es au bord de mer. T'as tué si tu les touches, c'est mon rôle de père. Moi aussi je suis enfer, dans la trappe de merde. Prends le billet vert en enfer, je vais rien en faire. Et chaque facial sur âme en peine. J'suis hell à Madrid, t'es Valenciennes. Je leur fais toujours à l'envers. Je mets de la rissa dans leur camembert. Y'a dû y avoir un quiproquo. Je m'en dans ta charte comme Pinocchio. Quand j'aurai fini de te casser le dos, va te faire harakiri à Kyoto. Paye-moi tout de suite, donne-moi monnaie cash. Les comptes allaient bien mieux avant les clashs. En maison de 10 scrappers, on les castre. Dans la rue, je paye pas d'impôts, je suis monégasque. Tu fumes que de la com, t'as lui montre que j'ai l'idée. Je suis aucun point comme ta daronne est sur Gliden. Si t'esquives le percute, tu vas crailler le middle. Veste 9 de I interdit, prohibido c'est forbidden. Sur le bitume, agenouillé sous le fut. J'prends du recul pour mieux t'enculer pute. Fuck ton cigare, j'ai ma OG Kush. J'bois du noir quand j'ressors de tes seufs. Elle suce pas très bien, n'a pas profond de gorge. La trappe française, moi j'l'éjacule sur le torse. Salope, ferme ta gueule pour le prix d'un, j'te mets deux doigts. Connexion Bruxelles jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Hey pute, on est où là? J'te baisse comme une chienne, pourtant tu portes le foulard. Avec des six, j'serais intouchable comme Omar. Capital 9 de I, nouveau flow noir. J'pointe devant gros cul, tu pointes au chômage. Le rap game n'a plus de kérosène pour le décollage. Mon peu prend le large, le tien prend de l'âge. Pour déstresser, j'fais des prises d'otages. De la CC dans du cellophane, la lessive dans tes clips, tu dis que c'est de la cam. Tu me fais chier comme un mec qui te conseille à la salle. J'te nique sur le ring et sur l'instrumental. T'es passé partout comme la chatte de Shime. Je sais pas si c'est vrai, mais je la baiserai au calme. J'ai matière grise, ta matière fécale. T'as un micro pénis, donc tu n'es pas de taille. Damso. Tu fumes que de la com, t'as lui montre que j'suis Liden. J'suis sur aucun point comme ta daronne est sur Gliden. Si t'esquives le percute, tu vas crailler le middle. Test 9 de I interdit, prohibido c'est forbidden. Le cocaïne fait l'agent, passer la vie non bando. Pas qu'à compter combien patnet, pas v'les songer combien soldats. Je vais être lapidanger que manchette l'eau chauffée. Dit qu'on a boulé avec la mort nous marier. Soit tu me finis frapper, ma tête bon coup de pied. Zam n'en fille qui me dit montrer lui côté lié. Qui ça wap dit là, nous pas vrai le précis là. Yo dit y'a veillé pour plus que 3 mois. Yo dit yo gagne un photon sous caméra. Pour chaque fois yo vini, yo pas joué dans y'a là. Zam yo caché, ma chandise la serré. Rele canine, ça pas marché. Yo arrête me charger, moi actuel spacé. Pas fait des jours, juste la game. Nèg yo connaît que moi pas j'aime foutre changer. J'aime envoyer. Sous bousé yo délivré, patin mourir si te connais t'a prêté. Dormi li sorti yo assassiné. Trois jours passés ou pas tant de sacs passés. Yo jeune toi cadavre de coupe et coco. Piraterie pam nan li trop fou wap coulé. Celle ça nous connaît c'est des ordres mais différents. En vrai, tu fumes que de la com, t'as lui montre que j'ai Liden. J'suis sur aucun point comme ta daronne est sur Liden. Si t'esquives le percute, tu vas crailler le middle. Test 9 de I interdit, prohibido